خامسا اثبات صفه العلو لله بنوعيه علو الذات وعلو الصفات cela affirme la l'attribut de l'élévation à Allah azza wa jalla car Allah il est en haut علو الذات c'est-à-dire que Allah est au-dessus de tout par son essence il n'y a rien au-dessus de lui d'accord علو الصفات que tous ses attributs sont les plus hauts les plus nobles et les meilleurs والذي اتفق عليه اهل الاسلام كلهم هو في العلو هو اثبات علو القهر وعلو القدر c'est-à-dire que Allah azza wa jall domine donc il est au-dessus de la création du fait qu'il domine tout d'accord هذا هو القهر celui qui a le contrôle total والقدر que Allah et à le rang le plus haut le statut le plus haut qui existe لكن اهل البدع خالفوا السنه في علو الذات dans l'élévation par son essence car pour eux cela viendrait à mettre Allah dans un mécan dans un lieu on dit là c'est comme les autres sifat le ulou d'Allah azza wa jall le comment on ne connaît pas mais le sens du ulou on le connaît d'accord on le connaît Et ce « où », cette question « où est Allah ?» Le Nabi s.a.w. l'a déjà posé. À cette « jariya »« Aina Allah ?»« Qalat fi sama »« Qalat man ana ?»« Qalat Rasulullah »« Qalat a'tikaha fa innaha mu'mina » Parce qu'il a demandé à cette jeune servante « Où est Allah ?» Donc le « où » se pose, c'est une question qui se pose. C'est là qu'Allah azza wa jal. Et ce « où » ne veut pas dire que Allah est dans sa création. « Abadan »« Man attaque al-zalika »« Laysa ka misli shay »« Allah wa ba'ina al-khalqi » Allah, il est présent, il existe, mais il n'est pas dans sa création. Maintenant, des gens disent, mais pourtant il descend au ciel de la dunya, au troisième tiers de la nuit. On va répondre, « Am, l'ahadith mutawatira, très nombreux. » Et la réponse, c'est la même réponse que pour le sifat. Le fait qu'il ait deux mains, le fait qu'il ait deux yeux, le fait qu'il ait deux pieds, le fait qu'il rigole, d'accord, le fait qu'il se mette en colère, le fait qu'il n'aime, le fait qu'il n'aime pas, tout cela, on dit « Laysa kamithlihi shay ». Le comment, on ne le connaît pas. Mais on affirme l'attribut et le nom car on a Dalil qui va avec. C'est tout. Comment Allah descend, on ne sait pas comment il descend. On ne sait pas comment il descend. Mais dans les hadiths, c'est venu qu'il descend au troisième tiers de la nuit puis ça met dunya. Pourtant, on voit que la terre... Comment elle est faite? Comment on peut être là ou là ou là? On dit, on ne sait pas. Mais là, quel mode qui prend nos âmes? Combien de gens meurent par jour? Il y a pas un million par jour. Vous voyez? Et pourtant, c'est lui qui a été mouakel binoufou sina. Ce sont des questions qui sont liées au ilm al-ghaib, l'invisible. On n'a pas... On n'a pas à chercher là-dedans des choses qui nous concernent nous-mêmes dans notre propre corps. On ne les contrôle pas, on ne les connaît pas. On va aller chercher ce qu'il y a plus loin encore. Si on a un texte, « Hadha huwa, sami'na wa ata'na, amanna rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amanna billahi, wa malaikati wa kutubi rasulihi, wa akadha. » Que les messagers ont cru en ce qu'il aurait descendu de leur Seigneur, en ce qu'il est croyant. Le texte, il est venu, il est authentique. Le verset est venu, on ne discute pas, on y croit. Et le comment, on ne demande pas. On ne demande pas. D'accord? On ne demande pas. Et comme à là, par des salafs, la yus'el, la yufattash, fi zatillah, wa sifati wa al-zalika. Ne rentre pas dans ce verbe-là. N'y réfléchis pas. Prends le texte, crois-y et c'est tout. Sinon, tu vas t'égarer. C'est une porte de wassa, oui, comme dans le hadith est venu, comme à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ياتي احدكم الشيطان فيكون من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا يقول الله حتى يقول من خلق الله tu commences à rentrer dans ce genre de abwab le hadith est venu le nabi sallam il a dit que shaitan vient nous voir et dit à quelqu'un qui a créé cela on dit Allah qui a créé cela on dit Allah qui a créé cela on dit Allah qui a créé Allah la question va venir la question là qu'est-ce que tu fais تستعيذ بالله وتنتهي. Tu vois, ça chauffe pendant la tête. T'arrêtes sur le champ. Et des gens n'ont pas voulu arrêter, ils sont perdus. Malheureusement. Loin, loin, loin. Quoi qu'il en soit, التفكر في حق الله في ذاتي وصفاتي وذلك ما يجوز. On n'a pas à y réfléchir. On prend le test comme il est venu, on ne réfléchit pas, on ne peut pas, on ne conçoit pas. Ce n'est pas notre portée. On se repose, on délaisse. D'accord ? On délaisse.